Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéo Top. Aujourd'hui, les rois d'une autre glisse. Mickey et Idriss, deux jeunes skaters sans histoire, se trouvent témoins d'un triple homicide. Repérés par les assassins, ils prennent la fuite, comprenant rapidement qu'il s'agit d'une question de vie ou de mort. Pas mal ce petit spot, hein? Attends, t'entends pas une voiture qui monte, là? Putain, c'est quoi ce plan là, Scarface, là? Alors, Marseillais, pareil que tu veux ouvrir une succursale à Paris? Si nous, on est mort. C'est quoi, ça? Oh, merde! Mais il y a des mecs en voiture qui nous ont tiré dessus, là. Et qui nous a tiré dessus? Putain, Mickaël, c'est des keufs! On a tous les flics de plein au cul, y en a trois qui veulent nous buter. Vous en quand même pas suivi jusqu'ici, non? Cherche mon petit frère! Un blond et un métis avec des dreads. C'est ton petit frère à toi aussi? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Les armes au sol! Hey! Vous pouvez le faire! Même si on va à l'autre bout du monde, ils vont jamais nous lâcher. Pour moi, on est déjà mort, Mickey. Putain! Mais vous avez braqué Sarko ou quoi? Skate or Die, un film de Miguel Courtois, 100% action, un DVD Fox Pathé Europa.